Mais d'abord, voici l'humeur de Guillermo Guy. Ah oui, non, c'est bien. Bravo Guillermo. C'est déjà bien Guillermo. Masterclan. Ça va les amigos? Ah non. Oui. Alors, lundi soir, je regardais France 3. Pourquoi tu es pas venu hier soir? Parce que je travaillais pour ça justement. C'est moi tranquille. Lundi soir. Mais oui, c'est vrai en plus. Je regardais France 3 parce que voilà, on va quand même tous mourir un jour. Il faut bien se préparer. Alors, moi je m'habitue. Imagine en 2026-2027, je suis dans mon EHPAD. C'est mon tout premier soir. J'ai fini de dîner. Il est 14h. Là, je retourne dans ma chambre. Je mets quoi à la télé? Energy 12 avec un clip de reggaeton et une pub pour faire du paddle. Comment je fais du paddle avec ma rotule artificielle? Super, Energy 12. Particule. Particule. Il a pris l'accent. Laissez-le. Du coup, lundi soir sur France 3, j'ai vu un petit sujet sur les VTC sans chauffeur. Et c'est un miracle que je sois parvenu à prononcer cette phrase. un petit sujet sur les VTC sans chauffeur. Normalement, pour dire ça correctement, moi, il me faut de l'EPO. Vraiment, c'est un truc. Et c'est con parce que fondamentalement, c'est moi qui écris mes textes. J'aurais parfaitement pu écrire un petit sujet sur les voitures autonomes. C'était plus adapté à mon élocution de bébé phoque. Et on aurait pu rentrer plus vite dans le cœur du billet. Non, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir 30 balles en plus de droit d'auteur? Ça va, frère. On va parler avec Tanguy Pasturo. Ça. En fait, justement. Vous êtes tous des chiens réunis. Donc lundi, ils ont fait une petite démonstration à Nice avec un prototype où il y a personne au volant. En fait, il y a personne. Et c'est comme un VTC normal, mais sans le côté. Oh, t'as vu le chauffeur, c'est Benoît Magimel. Non, merde alors. Merde, ça va aller pour conduire, Benoît? Oui, oui, bien sûr, j'ai dormi 2 heures en 2018, je pète le feu, on va où? Ah, c'est parti, on va guimauquer, allez! Et donc voilà. La voiture autonome, elle est conduite par une intelligence artificielle qui est guidée par des capteurs et tout, un satellite, ça. Et pendant ce temps-là, toi, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Dans la bagnole, c'est la classe, non? Ça déchire, il était temps, putain! C'était ça qui était chiant avec les chauffeurs d'origine humaine. C'est le mec qui te jugeait pour un oui ou pour un non. Et toi, là, monsieur Ernesto, on peut pas se couper les ongles des pieds sur la banquette arrière. N'importe quoi, soi-disant, parce qu'il y a des clients allergiques à la kératine. De couilles, oui. Hein, y a pas plus biodégradable qu'un ongle. Mais évidemment, t'as pas la patience. Alors, évidemment, c'est tellement relou le côté humain des chauffeurs. Bon, c'est pas tout de suite, ceci dit, le VTC autonome. Là, on est en balbutiement. À Nice, lundi, la voiture, elle roulait à 10 km/h. Faut savoir qu'il y a des Montescalés Stana qui font des pointes à 17-18 quand même. Ici, à 10 km/h en bagnole, en l'état, t'as l'impression que c'est Michael Schumacher qui conduit. Enfin, celui d'aujourd'hui, quand j'ai dit Michael Schumacher. Oh, ouais, non, il va mieux, Michael. Mais en bagnole, il a plus ce côté diabolo et satanas. Il s'agit, tant mieux pour le code de la route. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'à Nice, la voiture, elle faisait un trajet. En fait, elle faisait un trajet tout simple, la voiture. Parce qu'à ce stade-ci, tu prends un VTC autonome à Paris et t'as l'espérance de vie d'un cubit de vin rouge dans le sac de Leila, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est je crois qu'autour autour de l'Arc de Triomphe, l'algorithme au volant. 20 minutes. Pourquoi vous êtes aussi agressif, hein? Je me débranche. Je fais bien l'intelligence artificielle qui débranche, non? Ça et l'accent de Jean-Michel Apathy, mais deux trucs. Je suis un comédien, qu'est-ce que tu veux? Bref, et vous savez qu'en Arizona, le service, il fonctionne déjà avec des voitures Google, techniquement et tout, c'est au point. Mais en fait, les bagnoles sans chauffeur, elles sont caillassées. Quand elles passent, je crois que c'est vrai. Les gens, ils ont la haine contre cette technologie. Et ça, c'est en Arizona. Vous imaginez à Paris? À Paris, il y a déjà 100 Vélib par an qui finissent dans le canal. Parce que les Parisiens, ils ont un côté je sais pas trop comment me comporter socialement avec les objets inhabituels. Qu'est-ce que je fais? Je les casse. Bah, tu vois, il y a un truc, je crois qu'ici, les voitures sans chauffeur, bon, déjà, brûler, c'est la base. Ça, c'est la base. Ils vont arriver sur le marché, il y aura des feux de joie partout comme ça. Tu sauras pas pourquoi, mais ce sera pas assez pour les Parisiens. Vous allez inventer de nouvelles formes de délinquance. Je crois que le mot va passer chez les frotteurs du métro. Là, ils vont se frotter aux jantes et aux pots d'échappement. Ça, les algorithmes sont là. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie là? Ah, j'ai un talent, c'est qu'on peut pas en profiter. Tu fais très bien. Ouais. C'est sans compter que les chauffeurs de taxi. L'intelligence artificielle violée. Sans compter que les chauffeurs de taxi et les VTC, ils vont enfin pouvoir faire la paix et trouver un ennemi commun finalement. Ce sera bien, non? Parce qu'il lui reste ça encore à l'Uber et aux chauffeurs humains, la solidarité. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo. Guillermo a retrouvé sur scène le 27, 28 et 29 décembre au Bataclan. Ça approche, dis donc, petit lapin. Oui, dit.